Je me la pète avec mes rajouts, j'ai des fausses tresses et alors je m'en fous. Oh, je me la pète avec mes rajouts, on dirait Lil Jon, mais en plus fou. Oh, j'aime poser, rester motivé sur le son, frère, on peut tout oublier. Oh, j'aime fumer parmi les défoncés sur ils sont frères, prêts à partager. Là, la vie est belle et je suis de celles qui veulent profiter et s'éloigner du vrai. Silver, crois-moi, on nique les schémas avec mes rajouts, je nique des deux jours. On sait pas ce qu'on fait, on en a rien à foutre. On est dans l'atmosphère intersidérale. On sait pas ce qu'on fait, on en a rien à foutre. On est dans l'atmosphère intersidérale. On sait pas ce qu'on fait, on en a rien à foutre. On est dans l'atmosphère intersidérale. On sait pas ce qu'on fait, on en a rien à foutre. On est dans l'atmosphère intersidérale. Les gens se laissent calmer sur la fumée. Mais regarde ma belle, ton texte est insensé. Mais qu'est-ce que je m'en fous de tes tresses et de ton stress. Moi je veux jouer des risques avec tes grosses fesses. Sérieux, ça devient vraiment nawak. Montre plus qu'un café en kawaii dans un kayak. Je te donnerai le mal de mer depuis un hamac. Sache que ce rap est en voyage, c'est des arnaques. On sait pas ce qu'on fait, on en a rien à foutre. On est dans l'atmosphère intersidérale. On sait pas ce qu'on fait, on en a rien à foutre. On est dans l'atmosphère intersidérale. On sait pas ce qu'on fait, on en a rien à foutre. On est dans l'atmosphère intersidérale. On sait pas ce qu'on fait, on en a rien à foutre. On est dans l'atmosphère intersidérale. Dans la vie, y'a tant de hic, des tocs de tic, des bonnes qui font hic. Ma clique qui s'est pacifique et pas pratique. On se passe des flics et des amours et des bons publics. Ça se passe, pas des flics. On se cache, les mêmes flics quand on casse des mythes. On s'en cache, mais même si elle est pleine de mythes. Et t'as qu'à passer go, on sent bien le shit. Moi j'emmène jaloux, je suis antipathique. À tous les hommes debout, antipathique. Cet homme de l'impossible, non mathématique. Je fume mes fesses, sans souci des arbitres. J'irai jusqu'à écouter. Frites, oh shit, jusqu'à fumer mes filtres. Jusqu'en être somatique dans ma fabrique et m'abrite. Je suis à la masse, mais y'a le verre dans mon huître. On sait pas ce qu'on fait, on a rien à foutre. On est dans l'atmosphère intersidérale. On sait pas ce qu'on fait, on a rien à foutre. On est dans l'atmosphère intersidérale. On sait pas ce qu'on fait, on a rien à foutre. On est dans l'atmosphère intersidérale. On sait pas ce qu'on fait, on a rien à foutre. On est dans l'atmosphère intersidérale. L'atmosphère.